Chapitre 7e. Mademoiselle Carlyle chez elle. Par une belle matinée du mois de juillet, et comme 8 heures venaient de sonner, on entendit retentir le gros bourdon de l'église de West Lynne, et aussitôt après commença le double carillon qui, d'un bout à l'autre de l'Angleterre, fête la bienvenue au dimanche. Aux premières vibrations de cette sonnerie harmonieuse, Mademoiselle Carlyle se précipita hors de sa chambre à coucher, dans un de ses déshabillés du matin, non pas celui cependant qu'elle mettait ordinairement le jour du sabbat. Elle s'était, ce jour-là, affublée d'une robe en toile de guingamp couleur peau de buffle, et qui lui descendait à peine à la cheville. Par-dessus ce vêtement, s'en trouvait un autre, non moins étrange. C'était une espèce de casaque de nuance mauve, serrée autour de la taille, par une longue cordelière à nœuds, et dont la jupe était garnie, au bas, d'un taffetas renoué à gros bouillons. Tel avait été le costume de sa mère dans les temps d'autrefois, et Mademoiselle Carlyle, qui se raidissait et s'acharnait contre les innovations de la mode, avait jugé à propos de l'adopter pour son propre usage. Le dimanche matin, Mademoiselle Carlyle avait l'habitude de faire sa toilette pour la journée entière, et elle ne s'écartait de cet usage que lorsqu'elle croyait avoir à vaquer aux affaires de la maison. Décrire sa coiffure serait chose difficile. Jamais journal de mode n'aurait osé en reproduire la gravure. C'était quelque chose de particulier, et qu'un cerveau comme le sien eût seul pu imaginer. Cette coiffure, formée d'un tissu blanc et léger, s'enroulait autour de la tête et ressemblait assez à un grand turban, ou plutôt à un bonnet de coton fort empesé, auquel on aurait ajouté ses oreilles d'âne, qui dans les écoles servent à punir les enfants. Mademoiselle Carlyle, ainsi attifée, traversa le corridor en allongeant les jambes, et alla frapper à la porte qui se trouvait en face de la sienne. « Allons, allons, il faut se lever, Archibald » cria-t-elle d'une voix de stentor, et que ébahit la belle au bois dormant. « Se lever ?» répondit Carlyle, à moitié assoupi. « Mais il n'est que 8 heures. »« C'est possible, mais levez-vous, je le veux !» ajouta Mademoiselle Carlyle avec autorité. « Le déjeuner est prêt, et nous ne pouvons attendre. Toutes les sens dessus-dessous ce matin dans la maison. » Mademoiselle Carlyle descendit alors à la salle à manger. Cette salle avait vue sur la rue, et de chaque côté de la fenêtre retombaient de beaux rideaux d'un blanc irréprochable. La nappe, une nappe damassée, recouvrait la table, et l'argenterie bien propre et bien luisante faisait plaisir à voir. Mais Mademoiselle Carlyle ne se contentait pas de si peu. Elle avait des yeux d'Argus et rien n'échappait à son attention. En un clin d'œil, elle s'aperçut que la chambre n'avait pas été convenablement époustée, et d'un bond, elle s'enfuit à la cuisine pour se plaindre à Joyce et la tancer vertement de cette négligence. « Mais, madame, » riposta la pauvre fille, qui, le plumeau à la main, se disposait à enlever l'imperceptible grain de poussière qui lui valait cette réprimande. « Depuis 5 heures ce matin, je n'ai cessé de travailler. La chambre était propre quand je l'ai quittée. Si vous avez ouvert les fenêtres, c'est... » Un coup de sonnette lui coupa la parole. « Qu'est-ce? Que voulez-vous ? » demanda Mademoiselle Cornélie en s'adressant à Pierre, le valet de chambre, qui subitement venait d'entrer dans la cuisine. « C'est mon maître qui sonne pour avoir de l'eau chaude. »« Allez lui dire qu'il n'en aura pas, » ajouta Mademoiselle Carlyle. « Le déjeuner est prêt et je ne puis attendre. Il fera sa barbe plus tard. » Pierre alla s'acquitter de ce message, dont il eut soin cependant d'adoucir la forme. Et Mademoiselle Carlyle retourna dans la salle à manger pour y attendre l'arrivée de son frère. La veille au soir, elle avait eu une dispute avec sa cuisinière, et après une violente altercation, elle l'avait mise à la porte. Mademoiselle Carlyle ne permettait pas à ses domestiques de travailler le dimanche plus que cela n'est rigoureusement nécessaire. Elle aimait qu'eux aussi, ils observassent le jour du repos, et pour leur en faciliter les moyens, elle avait l'habitude de leur faire préparer le samedi toute la nourriture du lendemain. La cuisinière avait transgressé ses ordres à cet égard. Nous avons vu ce qui s'ensuivit, et maintenant, Mademoiselle Carlyle ne se voyait obligée de mettre de côté ses scrupules religieux et d'enfreindre elle-même le 4e commandement. Carlyle, toujours fort soigneux dans sa tenue et dans sa mise, ne voulut pas sortir de sa chambre sans s'être fait la barbe, et se voyant refuser l'eau chaude qu'il avait demandée, il recourt à l'eau froide. « Pourquoi déjeunons-nous aujourd'hui à 8 heures ? » demanda-t-il en s'asseyant à table. « Parce que j'ai de la besogne par-dessus la tête. » répliqua Cornélie, « et que si je ne me dépêche point, je ne serai pas à temps pour l'église. La cuisinière est partie. »« Vous l'avez renvoyée ?» fit Carlyle. « Oui. Nous devions avoir pour notre dîner des canetons et une tourte de béatille. » La cuisinière savait que je voulais que ces mets fussent préparés à l'avance pour qu'elle n'eût pas à travailler aujourd'hui. Or, hier au soir, elle m'a fait croire que tout était prêt et arrangé selon mes désirs. C'était un mensonge. Je le lui ai dit et elle m'a répondu avec insolence. Alors je lui donnais son congé, mais elle a préféré s'en aller sur le champ. « Joyce ne pourrait-elle vous aider ?» interjeta Carlyle. « Joyce, est-ce qu'elle sait la cuisine ?» riposta avec humeur Mademoiselle Carlyle. « D'ailleurs, Barbara Hare doit dîner ici. Vraiment ?»« Oui, elle est venue me trouver hier dans la soirée. Elle était fort agitée, car elle avait eu avec son père un démêlé assez vif à propos d'une somme d'argent qu'elle avait gaspillée en affiquets et en colis fichets. C'est bien fait. Cela lui apprendra à ne pas être aussi extravagante. La petite sotte m'a demandé de la laisser passer la journée ici, et j'ai consenti. Mais, ajouta vivement Cornélie, écoutez donc, que signifient ces cloches ? Carlyle releva la tête et prêta l'oreille. Les cloches de l'église Saint-Jude retentissaient à toute volée. On eût pu croire que leurs vibrations joyeuses annonçaient un mariage ou quelque grande fête. Je ne sais ce que cela signifie, s'écria Carlyle en se levant de table. Comment ? Continua Cornélie avec assurance. Comment ? Répéta-t-elle. Vous n'avez donc point deviné que c'est en l'honneur de Mount Severn que ces cloches sont mises en branle et que chacune de leurs vibrations vous annonce l'arrivée du comte à West Lynne ? C'est juste, répliqua Carlyle. Lord Mount Severn possède en effet un banc réservé pour lui et sa famille à l'église de Saint-Jude. East Lynne, il est temps de le dire, appartenait maintenant à Carlyle. Il l'avait acheté ainsi que tout le mobilier. Le monde ignorait encore que ce domaine eût changé de propriétaire, car la transaction s'était opérée par un pacte secret entre Carlyle et Mount Severn. Soit que le comte ait voulu détourner les soupçons, soit qu'il ait voulu faire ses derniers adieux à cette terre qu'il avait jadis tant aimée, toujours est-il qu'il avait prié Carlyle de lui permettre d'y passer encore 10 ou 15 jours. Carlyle, cela va sans dire, avait acquiescé à cette proposition, et Lord Mount Severn était arrivé la veille au château de ses ancêtres en compagnie de sa fille et précédé de nombreux personnels de domestiques. Ce fut pour West Lynne un jour de fête, car les habitants du pays avaient des prétentions aristocratiques et tous espéraient que le comte allait s'installer de nouveau et pour longtemps à East Lynne. De grands préparatifs avaient été faits pour le recevoir dignement. Femmes et jeunes filles avaient toutes renouvelé leurs toilettes, et la jolie Barbara Hare ne fut pas la seule qui, sous ce rapport, eut à encourir la colère paternelle. Après avoir achevé les préparatifs de son dîner, Mademoiselle Carlyle, accompagnée de son frère, se rendit à l'église. Au moment où elle sortait de chez elle, un délicieux petit minois, coiffé d'un chapeau rose tendre et abrité sous une ombrelle de la même couleur, se présenta à sa vue. « Quel mijaurée ! » s'écria Mademoiselle Carlyle en reconnaissant Barbara. Barbara, sans se douter de l'effet que venait de produire sa présence, arriva en courant serrer la main à Cornélie ainsi qu'à Archibald. « Je vous fais mes compliments, Barbara, » dit Mademoiselle Carlyle. « Vous êtes plus belle qu'un rayon de soleil. Et je ne m'étonne point que votre père vous ait fait une scène. »« Je ne serai pas la plus belle à l'église, » répliqua Barbara en rougissant et en portant ses yeux bleus sur Carlyle. Tous trois s'acheminèrent au temple, Carlyle marchant entre elles deux, mais sans leur offrir le bras, car il ne comprenait pas qu'un homme qui se respecte puisse résoudre à marcher les bras en équerre avec deux femmes suspendues à ses coudes. « Vous savez que le comte et sa fille doivent assister au service divin ?» fit Barbara Hare. « Oui, » répondit Carlyle. « Mais s'il n'allait point venir, que diraient alors tous ces jolis chapeaux et toutes ces plumes agitées d'une préoccupation mondaine ? Ah, quelle déception pour toutes ces fraîches toilettes » ajouta-t-il en riant. « Après tout, » fit Mademoiselle Carlyle, « nous sommes bien ridicules de nous mettre ainsi en frais, car nous ne pouvons avoir la prétention de lutter avec eux, et nous n'oserions aller leur rendre visite à East Lynne. Des gens de leur classe ne s'associent pas avec des personnes telles que nous. » À peine furent-ils entrés et assis dans l'église, que du milieu de la foule agglomérée dans l'édifice, l'on vit arriver un homme aux cheveux gris, au front courbé et soucieux, qui marchait avec peine appuyé sur le bras d'une jeune fille. Chacun se retourna et se mit à examiner avec curiosité ces deux personnages. Barbara avait fait comme tout le monde, mais en apercevant la toilette fort ordinaire de cette jeune femme, elle avait aussitôt détourné les yeux. Cette simple robe de mousseline, semée de fleurs de lilas, ne pouvait, selon elle, être portée par la fille d'un comte. Et cependant, le Suisse précédait les nouveaux venus, leur frayant la route en frappant les dalles de sa hallebarde. « Qui est-ce donc ? » demanda tout bas Barbara à Mademoiselle Carlyle. « Mais c'est le comte et Lady Isabelle ?»« Quoi, vraiment ?» reprit Barbara toute surprise. « Mais elle ne porte ni soie, ni plume, ni rien. Elle est plus simplement habillée qu'aucune de nous. »« Il n'y a là rien d'étonnant, » fit Mademoiselle Carlyle. « C'est le portrait vivant de sa pauvre mère. Les mêmes yeux, le même regard rayonnant de douceur. » « Ah oui, c'était de bien beaux yeux. Des yeux fendus en amande, pleins de tendresse et de sensibilité, plus éloquents que la parole même, et sur lesquels les regards s'attachaient avec ivresse. Barbara en éprouvait elle-même toute la puissance et toute la fascination, car tant que dura le service, elle parut plus occupée à contempler ce radieux visage qu'à écouter les prières du pasteur. Le culte terminé, des groupes se réunirent à la porte, d'autres se rangèrent autour de la calèche du comte, qui stationnait près de l'église. Lord Mountsavern, après avoir aidé Lady Isabelle à monter dans la voiture, s'efforçait lui-même de placer sa jambe goutteuse sur le marchepied lorsqu'il aperçut Carlyle et lui fit signe d'approcher. « J'ai à causer avec vous, » lui dit-il en lui serrant la main. « Si vous n'avez rien de mieux à faire, voulez-vous revenir avec nous et être notre hôte pour la journée ?» Il appuya sur ces mots en souriant tristement, et Carlyle ne put s'empêcher de remarquer combien il était ému. L'hôte d'Eastline. Mais c'est là ce qu'était aujourd'hui le comte Mountsavern, ruiné par ses prodigalités. Carlyle ne pouvait refuser une telle invitation. Il prit donc congé de sa sœur et de Barbara et monta dans la voiture qui disparut bientôt en suivant la ligne formidable de curieux qui s'étendait indéfiniment depuis le portail de Saint-Jude jusqu'au bout de la route. L'on était alors dans toute la première force de l'été. Le soleil dardait sur tous ses plus chauds rayons, et seul le cœur de Barbara demeurait froid et insensible en présence de cette nature inondée de lumière. Sa poitrine se soulevait doucement et elle cachait avec peine l'émotion qui la gagnait. « Comment se fait-il qu'il soit aussi intime avec le comte ? » pensa-t-elle tout haut. « Comment connaît-il Lady Isabelle ?»« Archibald connaît un peu tout le monde, » répondit Mademoiselle Carlyle. Plus d'une fois déjà, il est allé rendre visite à Lord Mountsavern et naturellement, il a rencontré la sa fille. « Elle est bien belle, ne le trouvez-vous pas ?» Barbara ne répondit point. Muette et pensive, elle suivait machinalement Cornélie, et bientôt elle se trouva assise à table, obligée de faire honneur au canton et à la tourte de Beatty, dont nous avons parlé plus haut. Quant à Carlyle, il était lui aussi, à la même heure, assis à table, mais à une table bien autrement servie, toute resplendissante d'objets de luxe, tels que cristaux, porcelaine de Chine et argenterie. Surchargé aussi de vin fin et de mets succulents et entouré de laquais en livrée magnifique. Le comte de Mountsavern, malgré l'état plus qu'embarrassé de ses affaires, n'avait pas jugé à propos de diminuer en aucune façon le train dispendieux de sa maison. Il continua à vivre comme par le passé, au grand étonnement de tous ceux qui le connaissaient. Un tel étalage, en des circonstances aussi critiques, faisait peine à voir. Et cependant, tout était si bien organisé, tout respirait un si haut parfum de distinction, que malgré soi, on se laissait entraîner aux séductions de ce faste d'apparat, de ce luxe extérieur et désordonné, derrière lequel se dressait le sombre spectre de la misère. Peut-être n'était-ce pas la somptuosité de ce festin qui surprenait Carlyle. Les yeux de Lady Isabelle durent, sans aucun doute, contribuer pour beaucoup à exciter en lui l'admiration qu'il éprouvait alors. Au dessert, Lady Isabelle se retira dans son boudoir, laissant son père en tête-à-tête avec Carlyle. Dès qu'elle fut seule, elle donna son âme à toutes les idées qui la font tressaillir, et se mit, avec un mélancolique bonheur, à passer en revue les journées de son enfance et celles qu'elle vivait maintenant, journées de printemps et de soleil, vers lesquelles nous aimons tous à retourner quelquefois. Elle revit ainsi sa pauvre mère, avec laquelle elle jouait autrefois sur la verte pelouse d'Eastline, son père toujours soucieux et toujours malade, puis enfin son entrée dans le monde, son premier bal, et ce premier rayon d'amour qui, comme un chaud rayon de soleil, était venu s'abattre sur son cœur de jeune fille. Ah oui, elle ne pouvait s'empêcher de se l'avouer. Ce capitaine Levison absorbait maintenant sa pensée tout entière. Elle vivait de son souvenir. Elle se rappelait sa démarche, son empressement auprès d'elle, et tout ce qui pouvait la distraire, un instant seulement, de la contemplation de l'image aimée, lui était important. Lady Isabelle se leva, et comme si elle eût voulu chasser loin d'elle les pensées qui l'occupaient, elle alla s'asseoir au piano en attendant l'arrivée de son père et de Carlyle. Lord Mountsavern ne se pressait pas quand il était à table. Il aimait à savourer son vin. Et bien que ce fût là une habitude pernicieuse pour sa santé, Jamais il n'avait voulu renoncer au divin jeu de la treille. Carlyle et lui causaient donc tout à leur aise et en buvant, quand tout à coup les sons d'une musique suave et mélancolique retentirent à leurs oreilles. Une voix douce et harmonieuse entonnait l'hymne de la bénédiction, se mariant ravir aux mélodieux accords de l'accompagnement composé par Lord Mornington. Carlyle, silencieux et recueilli, semblait écouter avec bonheur ces paroles bibliques. « Béni soit le nom d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » La conversation qu'il venait d'avoir avec le comte avait principalement roulé sur les choses de la vie présente, sur la difficulté d'acquérir l'argent et la facilité avec laquelle on le gaspillait. Ce chant sacré, qui arrivait maintenant jusqu'à eux, réveilla pour ainsi dire, dans leur cœur, des sentiments religieux, en assoupissant pour un moment les préoccupations mondaines. « C'est Isabelle, » murmura le comte. « Ne trouvez-vous pas que sa voix est douée d'un charme tout particulier? Êtes-vous musicien ?»« Les artistes de profession, » répondit Carlyle en souriant, « m'ont assuré que je ne possédais nullement le sentiment de l'art. Et cependant, ce que joue la votre fille me plaît infiniment. » »« Elle ne se doute guère que nous sommes à l'écouter, » ajouta le comte. Et c'était vrai, cette idée ne la préoccupait pas. Elle chantait pour elle-même, pour se distraire, sautant d'une hymne à un psaume, d'un psaume à un cantique. Et Carlyle, le cœur doucement bercé par cette mélodie céleste qui lui pénétrait par tous les pores, oubliait que la nuit s'approchait et se laissait emporter sur les ailes de l'extase vers les régions meilleures.